Arsène Lupin, L'aiguille creuse, de Maurice Leblanc. Quatrième et dernier épisode. Adaptation Gabor Rassoff. Une réalisation de Michel Sidorov. Avec Arnaud Bédouet, Martin Amic, Geoffroy Lidevant, Paul Barrette, Bruno Alain, Nathalie Blanc. Je brûle. Ce que Lupin a trouvé, il n'y a aucune raison pour que je ne le trouve pas. Dût-il consacrer 10 ans de sa vie à cette enquête, il l'amènerait à bout. Avec une patience admirable, il allait de la Seine à la mer et de la mer à la Seine, s'éloignant, revenant et n'abandonnant le terrain que lorsqu'il n'y avait plus aucune chance d'y puiser le moindre renseignement. Il étudia Montvilliers, Saint-Romain, Octeville et Gonneville et Criquetot. Puis il remonta sur le plateau et s'en alla vers la Valleuse de Bruneval, vers le Cap d'Antifer, vers la petite crique de Belle-Plage. Au nord de Belle-Plage, des talus rectilignes, des restes de murs en briques, où il crut reconnaître les vestiges d'un camp romain, l'intriguèrent. Puis, il aperçut une espèce de petit castel, bâti à l'imitation d'un fort ancien. Une grille en défendait l'étroite entrée. Non sans peine, Beautrelet réussit à la franchir. Au-dessus d'une porte, il lut ces mots. Fort de Fréfossé. Sans essayer d'entrer, il tourna à droite, puis aborda un sentier qui courait sur une arête de terre. Tout au bout, une petite grotte formée comme une guérite à la pointe du roc où elle était creusée, un roc abrupt, tombant dans la mer. Des multitudes d'inscriptions s'entrecroisaient sur ses murs. Beautrelet jeta son sac à terre et s'endormit un instant. Le vent frais qui circulait dans la grotte l'éveilla. Il allait se lever quand il eut l'impression que ses yeux soudain agrandis regardaient. Un frisson l'agita. Ses mains se crispèrent et il sentit que des gouttes de sueur se formaient à la racine de ses cheveux. Non, oh, non, c'est un rêve, une hallucination. Deux lettres énormes apparaissaient gravées dans le granit du sol. Ces deux lettres, c'était un D et un G. Un D et un G, précisément les deux seules lettres du document. Il se releva, sortit de la grotte et courut comme un fou jusqu'à trouver un berger. Cette grotte, là-bas, cette grotte, a-t-elle un nom ? Dame, tous ceux des Trottas disent que c'est la chambre des demoiselles. Les demoiselles. Un des seuls mots connus du document. Un vent de folie ébranla Beautrelet. Il comprenait. Le document lui apparaissait avec son sens véritable. La chambre des demoiselles étreta. Il courut jusqu'au bout extrême de la falaise. En face de lui, en pleine mer, se dressait un roc énorme, haut de plus de 80 mètres, obélisque colossal, d'aplomb sur sa large base de granit, et qui s'effilait ensuite jusqu'au sommet, ainsi que la dent gigantesque d'un monstre marin. Et Beautrelet soudain ferma les yeux. Là-bas, presque en haut de l'aiguille d'Étretat, un peu de fumée suintait d'une crevasse ainsi que d'une cheminée invisible. L'aiguille d'Étretat était creuse. L'aiguille creuse. Révélation prodigieuse. Après Lupin, voilà que Beautrelet découvrait le secret de la grande énigme qui a plané sur plus de 20 siècles. Un royaume invisible au sein des eaux et à quelques dizaines de mètres de la terre. Une forteresse ignorée, plus haute que les tours de Notre-Dame. C'était la formidable cachette. Tous les trésors des rois, grossis de siècle en siècle, tout l'or de la France, tout ce qu'on extrait du peuple, tout le butin ramassé sur les champs de bataille de l'Europe, c'est là qu'on l'avait entassé. Vieux sous d'or, écus, ducats, florins, guinées, et les pierreries, et les diamants, et tous les joyaux, et toutes les parures, tout était là. Réfugié dans une modeste chambre d'hôtel, Isidore finit par reconstituer ainsi le document. En aval d'Étretat, la chambre des demoiselles, sous le fort de Fréfossé, aiguille creuse. Cela, c'étaient les quatre grandes formules. Par elles, on se dirigeait en aval d'Étretat, on entrait dans la chambre des demoiselles, on passait sans doute sous le fort de Fréfossé, et l'on arrivait à l'aiguille. Il y avait donc un souterrain qui menait de la grotte à l'aiguille. La quatrième ligne, celle des indications et des mesures, devait en révéler l'accès. Le lendemain matin, il était à pied d'œuvre dans la grotte. DG étaient les premières lettres, celles qu'il avait vues au sol. Il mit le pied droit sur le D et le gauche sur le G. Il se trouva ainsi dirigé vers le fort. Le chiffre 19 suivait. Il fit 19 pas, puis un G, comme gauche. Et 44, il fit cette fois-ci 44 pas. Il tomba sur un mur. Le signe qui suivait le chiffre 44 était une croix. Il hurla presque en voyant une petite croix sculptée en relief sur le mur juste à la hauteur de ses yeux. Il lui fallut toute sa volonté pour dominer l'émotion qui l'envahit. Hâtivement, de ses doigts crispés, il saisit la croix et tout en appuyant la tourna. Il sentit la brique qui cédait. Et tout à coup, il y eut comme un déclenchement, un bruit de serrure qui s'ouvre et, à droite de la croix, un pan du mur pivota et découvrit l'entrée d'un souterrain. Il eut la vision effarante de tous les personnages initiés au grand secret qui avaient pénétré par cette issue. Celtes, Gaulois, Romains, Normands, Anglais, Français, Barons, Ducs, Rois, et après eux tous, Arsène Lupin. Et après Lupin, lui, Beautrelet. La tâche qu'il pouvait accomplir seul était finie. Le lendemain, Isidore, accompagné de Ganimard et de ses hommes, était aux portes du souterrain. À la lueur des lanternes qu'ils avaient allumées, ils s'engagèrent dans l'étroit souterrain. Au bout de quelques dizaines de mètres, horreur, une porte de fer. Nous sommes fichus, il n'y a même pas de serrure. Une porte est faite pour s'ouvrir. Et si celle-là n'a pas de serrure, c'est qu'il y a un secret pour l'ouvrir. Et comme nous ne connaissons pas ce secret... Je vais le connaître. Par quel moyen ? Par le moyen du document. Il reste ce chiffre de 357 que je n'ai pas exploité. Regardez ces lignes de clous enfoncées dans le fer de la porte. 357 ou 3, puis 5, puis 7. Le troisième clou de la première ligne. J'appuie dessus. Le cinquième de la deuxième. Puis le septième de la dernière. Victoire ! En avant ! Le couloir sur lequel ils débouchèrent était confusément éclairé par un jet de lumière qui provenait d'une fissure pratiquée à même la paroi. Il formait une sorte d'observatoire d'où l'on voyait surgir des flots l'impressionnant bloc de l'aiguille. Regardez là-bas. C'est notre torpilleur. Avec ça, Lupin peut s'évader s'il veut connaître les paysages sous-marins. Du couloir, un escalier démarrait. Ils s'y engagèrent. Nous passons sous la mer. Le tunnel finit par aboutir à une grotte plus spacieuse où l'on apercevait les premières marches d'un escalier qui montait. Maintenant, c'est l'ascension de l'aiguille qui commence. Ça devient plus grave. Patron, un autre escalier là, sur la gauche. Et là, un troisième. Fichtre, la situation se complique. Si nous passons par ici, ils fileront par là. Séparons-nous ? Non, non. Ce serait s'affaiblir. Il est préférable que l'un de nous parte en éclaireur. Moi, si vous voulez. Vous, Beautrelet, soit. Nous vous attendrons ici. Mais surtout, soyez prudents. À la moindre alerte, vous rappliquez. Isidore monta. À nouveau 30 marches. À nouveau, une porte, une salle. C'était une série de salles superposées les unes au-dessus des autres et par conséquent de plus en plus restreintes. Toutes servaient de magasins d'antiquités. Beautrelet sentit l'angoisse l'envahir. Ganimard était loin maintenant. 30 marches toujours, puis une porte plus moderne, celle-ci. Il la poussa doucement, prêt à prendre la fuite. Personne. Mais la salle différait des autres. Au mur, des tapisseries, sur le sol, des tapis. Deux dressoirs magnifiques chargés d'argenterie se faisaient vis-à-vis. Les petites fenêtres étaient garnies de vitres. Au milieu de la pièce, une table richement servie avec des compotiers de fruits et de gâteaux, du champagne, des fleurs. Autour de la table, trois couverts. Beautrelet s'approcha. Sur les serviettes, il y avait des cartes avec les noms des convives. Il lut d'abord Arsène Lupin. Arsène Lupin. En face, Madame Arsène Lupin. Madame Arsène Lupin. Il prit la troisième carte et tressauta d'étonnement. Celle-là portait son nom, Isidore Beautrelet. Isidore Beautrelet. Un rideau s'écarta. C'était... Bonjour mon cher Beautrelet. Vous êtes un peu en retard, le déjeuner était fixé à midi. Mais enfin, à quelques minutes près... Qu'y a-t-il donc? Vous ne me reconnaissez pas? Suis-je donc si changé? Au cours de la lutte, Beautrelet avait connu bien des surprises, mais le choc cette fois fut immense. Ce n'était pas de l'étonnement. C'était de la stupeur. De l'épouvante. L'homme qu'il avait en face de lui. L'homme que toute la force brutale des événements l'obligeait à considérer comme Arsène Lupin. Cet homme, c'était Valméras. Le propriétaire du château de l'Aiguille, celui-là même auquel il avait demandé secours contre Lupin. Valméras, le courageux ami qui avait rendu possible l'évasion de son père et de Raymonde. Vous? C'est vous? Oui, Beautrelet, le vrai Lupin, le voici. Mais alors, si c'est vous, alors, mademoiselle... Madame Arsène Lupin. Ah, mademoiselle Raymonde. Non, madame Arsène Lupin. Ou si vous préférez, madame Valméras. Mon épouse en juste noces, selon les formes légales les plus rigoureuses. Et grâce à vous, mon cher Beautrelet... Raymond et moi, nous nous aimons depuis le premier jour. L'enlèvement, la captivité, des blagues, tout cela. Mais pas question de faire de Raymond ma maîtresse. La situation était insoluble pour Lupin. Elle ne l'était plus si je redevenais le Louis Valméras que je n'avais cessé d'être depuis mon enfance. C'est alors que j'eus l'idée de profiter de votre obstination. Comment aurait-on soupçonné Valméras d'être Lupin, puisque Valméras était le meilleur ami de Beautrelet, celui qui venait d'arracher à Lupin celle qu'il aimait. Les jolis souvenirs, le sauvetage, l'amour soi-disant naissant, et surtout, surtout la peur que moi, Valméras, j'avais de moi, Lupin, avant notre mariage. Et le soir du banquet, quand en larmes, vous vous êtes réfugié dans mes bras. Il y eut un silence. Beautrelet observa Raymonde. Elle écoutait Lupin sans mot dire et elle le regardait avec des yeux où il y avait de l'amour, de la passion et autre chose aussi, que le jeune homme n'aurait pu définir, une sorte de gêne inquiète et de tristesse confuse. Mais Lupin se tourna vers elle et elle lui sourit tendrement. À travers la table, leurs mains se joignirent. Du bruit. Du bruit en dessous. Mais c'est le clapotement de l'eau, Raymonde. Ne vous inquiétez pas. Non, c'est autre chose. Que voulez-vous que ce soit? Je n'ai invité que Beautrelet à dîner. Charolais, tu as fermé les portes derrière monsieur, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Et j'ai mis les verrous. Si madame veut bien me suivre... Ganimard a perdu patience, il brise les portes. À votre arrivée, l'aiguille était-elle vide? À peu près. Quel vacarme, soudain. Montons, veux-tu? Peut-être seras-tu intéressé de visiter l'aiguille? Que penses-tu de ma galerie de tableaux? Voilà des Raphaël, des Titien, des Botticelli, des Tintoret, des Rembrandt, des Velasquez. De belles copies. Des copies. Erreur. Les copies sont à Madrid, à Rome, à Florence, à Amsterdam. Si tu ne me crois pas, cours vérifier dans les musées. Derrière chaque copie, il y a ma signature, Arsène Lupin. D'ailleurs, regarde. Voici les quatre Rubens du comte de Gèvres. Ah, ce n'est plus tenable. Montons encore. Voici la dernière, la salle des trésors. Nous sommes au sommet. Là sont les perles de ma collection. Ici, tout est sacré. Regarde ces bijoux. Amulette chaldéenne, collier égyptien, bracelet celtique, chaîne arabe. Voici la tiare de Saïd Afarnès volée au Louvre. Et regarde, regarde bien. Voici la merveille des merveilles, l'œuvre suprême, la pensée d'un dieu. Voici la Joconde de Vinci, la véritable. À genoux, Beautrelet. Et le trésor? Ah, petit, c'est ça qui t'intéresse. Tous ces chefs-d'œuvre, ça ne vaut pas pour ta curiosité la contemplation du trésor. Et toute la foule sera comme toi. Allons. Sois satisfait. D'un coup de pied, il fit basculer un des disques qui composait le parquet et, le soulevant comme le couvercle d'une boîte, il découvrit une sorte de cuve creusée à même le roc. Elle était vide. Un peu plus loin, il exécuta la même manœuvre. Une autre cuve apparut, vide elle aussi. Trois fois, il recommença. Les trois autres étaient vides aussi. Quelle déception, n'est-ce pas? Sans doute furent-elles un jour pleines, mais pense donc à Louis XIV, à la folie de Versailles, aux guerres, aux grands désastres du règne. Ce qu'on a dû puiser alors, tu vois, plus rien. Enfin, si, la dernière cachette, intangible, celle-là, nul n'osa jamais y toucher, c'était la ressource suprême. Regarde, Beautrelet. Dans la dernière cuve, un coffret de fer. Il l'ouvrit. Ce fut un éblouissement. Toutes les pierres précieuses étincelaient, toutes les couleurs flamboyaient, l'azur des saphirs, le feu des rubis, le vert des émeraudes, le soleil des topazes. Regarde ces perles et ces diamants. L'énormité de ces diamants. Aucun d'eux qui ne soit digne d'une impératrice. Comme c'est triste de quitter tout cela. Quel déchirement. Mes plus belles heures, je les ai passées ici, face à ces objets que bientôt mes yeux ne verront plus, que bientôt mes mains ne pourront plus toucher. J'étais le maître du monde, le roi de l'aventure. De cette pointe d'aiguille, je dominais l'univers, ivre de force et d'autorité. C'est fini. Une jeune fille a passé, de beaux yeux tristes, une âme honnête. Je démolis le formidable édifice. Tout me paraît absurde et puéril. Mais tais-toi donc, Ganimard, je n'ai pas fini ma tirade. Arsène Lupin, lègue à la France tous les trésors de l'aiguille creuse à la seule condition que ces trésors trouvés soient installés au musée du Louvre, dans les salles qui porteront le nom de salle Arsène Lupin. Votre lait, je te dis adieu. Il replia le volet d'un grand triptyque qui représentait les rois mages et découvrit ainsi une petite porte. Ganimard, par la brèche pratiquée dans la porte, glissa son revolver. Un coup de feu retentit. Ah, canaille ! En plein cœur, pauvre roi mage, en plein cœur ! Tire ! Toi aussi, vous trollez ! Tire ! Bien que de toutes ses forces, Isidore eût voulu se mêler à la lutte, un sentiment obscur l'en empêchait. 10 contre 1, que je m'échappe, Ganimard ! Avant qu'il ne se fût décidé à agir, il fut projeté à terre et se sentit soulevé par une force invincible. Lupin s'empara du jeune homme et s'en servant comme d'un bouclier humain, il se glissa par la petite porte qu'il referma. Tout de suite, un escalier abrupt s'offrait à eux. Comment sortir ? Dehors, les barques bourrées de policiers l'attendent. Et le torpilleur. Vite ! Vite ! J'étais si inquiète. Qu'est-ce que vous faisiez ? Vous n'êtes pas seule ? C'est notre ami Beautrelet. Charolais, tu es là ? Oui. Bien. Le bateau ? Le bateau est prêt. Allume ! Un canot automobile, hein, tout ça t'épate, mon vieil Isidore. Ah, tu ne comprends pas. C'est une petite rade, invisible et sûre. Mais fermée. Personne ne peut y entrer et personne en sortir. Mon petit canot a une particularité, c'est ce qu'on appelle un sous-marin. C'est par le fond que nous allons nous enfuir. Tu as peur ? Par malheur, mon petit, tu n'as pas le choix. Pour l'instant, il faut qu'on nous croie morts tous les deux. Plus tard, quand je t'aurai rendu ta liberté, tu parleras à ta guise. Sans ménagement, Lupin le poussa à l'intérieur. Ils descendirent une échelle. En bas, une cabine exiguë où ils eurent tout juste la place de s'asseoir. En route, Charolais. Nous coulons. Non, non. Nous plongeons. À Port Lupin, et sans quitter les fonds. Regarde, Isidore. Nous rasons les plaines de roc. Cette ombre, au-dessus de nous. Et c'est le torpilleur. Aussi puissant qu'inutile. La force ne peut rien contre la ruse. Surtout la ruse d'un génie. Alors, Beautrelet, que penses-tu de ma coquille de noix ? Toi, c'est défier le destin. Tant de malheurs peuvent encore nous atteindre. Je plaisante, Raymond, car cela n'est pas interdit par la loi. Pour le reste, comme je te l'ai juré, plus jamais je n'agirai contre elle. Fais-nous remonter, Charolais. Plus de danger. Port Lupin. À terre, Beautrelet. Raymond, donne-moi la main. Isidore, si tu connaissais ta géographie, tu saurais que nous sommes au bas de la gorge de Parfonval. Valméras, plus connu sous le nom de Lupin, a fait restaurer un chemin qui existe depuis longtemps et a acheté la ferme de Neuviette où il va vivre entre sa nourrice et sa femme la vie respectable de Hobro. Le gentleman cambrioleur est mort. Vive le gentleman farmer. Ah, Gomel ! Rien de nouveau ? Rien, patron. Personne de suspect ? Non, patron. Cependant... Quoi ? Ma femme, Césarine, elle a vu un matelot qui rôdait ce matin dans le village. Quelle tête avait-il, ce matelot ? Pas naturel. Une tête d'anglais. Ah. Ouvre l'œil. S'il y a quelque chose, je suis à la ferme. C'est inquiétant. Est-ce Sholmès ? Si c'est lui, tout est à craindre. Regardez, voilà Césarine, elle court. Monsieur Lupin ! Monsieur Lupin ! Quoi, quoi ? Qui a-t-il ? Parlez donc ! Un homme, dans le salon. L'anglais de ce matin ? Oui, mais déguisé autrement. Il a vu Victorine et il lui a dit qu'il cherchait Louis Valméras. Alors ? Alors elle a répondu que vous étiez en voyage, pour des années. Est-il parti? Non. Il a fait des signes par la fenêtre, comme s'il appelait quelqu'un. C'est ta mère. Je reconnais. Sholmès. Viens, Raymond, fuyons. Allez, toi d'abord. Non, oh, non, je peux pas. C'est abominable. Pardonne-moi, Raymond. La pauvre femme là-bas. Reste ici. Beautrelet, ne la quitte pas. Non, attends-moi. Raymond, reste ici. Keep still. Keep still. And shut your mouth. Sholmès, toi et tes hommes, lâchez cette femme. Non. Écoute, Sholmès. Pas un geste, Lupin, ou je la tue. Pour la troisième fois, laisse cette femme tranquille. On n'a pas le droit de toucher à Victoire, peut-être. Ta vieille complice, celle qui t'a élevé. Tant pis pour toi. Ah, Amazon, ton bras. Tirez! Tirez sur lui! Mais Lupin avait sauté sur eux, et il ne s'était pas écoulé deux secondes que celui de droite roulait à terre, la poitrine démolie, tandis que l'autre, la mâchoire fracassée, s'écroulait contre la barrière. Victoire! Attache-les! Et maintenant, à nous deux, l'anglais! Mais Sholmès avait ramassé son arme de la main gauche et le visait. Adieu, Lupin! Au moment où l'anglais tirait, Raymond s'était précipité entre les deux hommes. Morte ! Face à l'anglais. Morte ! Morte ! Morte ! Mon petit ! Mon petit ! Misérable ! Misérable ! Spectacle pitoyable. Beautrelet ne devait jamais en oublier l'horreur tragique. Lui qui savait tout l'amour de Lupin pour Raymond et tout ce que le grand aventurier avait sacrifié de lui-même pour animer d'un sourire le visage de sa bien-aimée. Lupin se dressa. Il la regarda, elle, la pauvre amoureuse que l'amour avait tuée et qui dormait toute blanche de l'éternel sommeil. Alors Lupin se pencha, saisit la morte dans ses bras puissants, la souleva d'un coup, et chancelant, il fit quelques pas. Allons-nous-en, Victoire. Et chargé du précieux et horrible fardeau, suivi de sa vieille servante, adieu, Beautrelet. Silencieux, farouche, il partit du côté de la mer et s'enfonça dans l'ombre profonde. C'était Arsène Lupin, l'aiguille creuse, de Maurice Leblanc, quatrième et dernier épisode. Avec Arnaud Bédouet, le narrateur. Martin Amic, Isidore Beautrelet. Geoffroy Lidevant, Arsène Lupin. Paul Barrette, Herlock Sholmès. Bruno Alain, l'inspecteur Ganimard. Nathalie Blanc, Raymonde. Et Simon Duprez, Nathalie Canouille, Emmanuel Stoll, Frédéric Antoine, Grégory Kidel. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Noélie Pellegrin, Dimitri Scapolan. Assistante à la réalisation, Delphine Lemaire. Réalisation, Michel Sidoroff.